J'ai commencé en faisant des vidéos sur Insta. 17 ans dans une voiture, je fais des reprises et je m'installe. Instabilité ou plutôt déstabilisé. Jusqu'au jour où à bout mon producteur me dit que je suis habilité. En vérité, j'ai médité, je cherche vers où me diriger. On sort attentat, on voit que les avis sont mitigés. Averse de critiques, mais je suis une brute de femme. Pris dans un torrent médiatique, j'ai une pluie de fans. C'est vous mes stars, moi je suis juste votre voix. Vous avez fait tout le taf, moi j'ai juste fait un choix. J'ai juste raconté ma vie sur un bout de papier. C'est vous qui écrivez mon histoire quand vous la chantez. Je serai la plus grande des ingrats si je dis pas merci, merci. On ira de la cigale à Bercy. Tous les jours je pense à vous, même quand je suis off. J'ai la meilleure des teams, c'est que j'ai l'offre. Je serai la plus grande des ingrats si je dis pas merci, merci. On ira de la cigale à Bercy. Vous avez fait fermer la bouche salée de tous ces gens qui me disaient, Imen, lâche ça, tu vas te casser les dents. J'avais des rêves de gosse, j'ai des problèmes d'adulte, je voulais toucher les étoiles, c'est vous ma catapulte. Je veux vous rencontrer, tout vous raconter. Quand on descend, je suis débordé, mais mon moral vous remontez. Des fois j'ai le sourire, des fois je suis d'humeur pensante. Ils essaient de me pourrir, c'est vous mes pansements. C'est vous mes stars, moi je suis juste votre voix. Vous avez fait tout le taf, moi j'ai juste fait un choix. J'ai juste raconté ma vie sur un bout de papier. C'est vous qui écrivez mon histoire quand vous la chantez. Je serai la plus grande des ingrats si je dis pas merci, merci. On ira de la cigale à Bercy. Tous les jours je pense à vous, même quand je suis off. J'ai la meilleure des teams, c'est que j'ai l'offre. Je serai la plus grande des ingrats si je dis pas merci, merci. On ira de la cigale à Bercy. Avant de monter sur scène, quand j'entends Imen ES, ma belle, c'est toi la bête. Le cœur qui bat avant de monter sur scène, quand j'entends Imen ES, ma belle, c'est toi la bête. J'ai le cœur qui bat avant de monter sur scène, aujourd'hui je vais vous le dire, ma team c'est vous les bêtes. Le cœur qui bat avant de monter sur scène, aujourd'hui je vais vous le dire, ma team c'est vous les bêtes. J'ai juste raconté ma vie sur un bout de papier. C'est vous qui écrivez mon histoire quand vous la chantez. Je serai la plus grande des ingrats si je dis pas merci, merci. On ira de la cigale à Bercy. Tous les jours je pense à vous, même quand je suis off. J'ai la meilleure des teams, c'est que j'ai l'offre. Je serai la plus grande des ingrats si je dis pas merci, merci. On ira de la cigale à Bercy. Tous les jours je pense à vous, même quand je suis off. J'ai la meilleure des teams.